cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Moi je viens du bendo, j'aime pas trop les blèmes. Pro, tu veux que je fasse du blé, mais tu me reproches que je traîne. Pro, tu sais, l'argent tombe pas du ciel, il pousse sur le terre-terre. Donc tes copines qui parlent, on va les faire taire. Tu dis que t'es dans le bendo, mais t'es peut-être avec ta deuxième go. Y'a des bruits de couloir, ouais, j'ai entendu des échos. Tu parles de ma fierté, tu devrais ravaler ton ego. Tu m'as pris pour la déco, tu me mets sur le techo. J't'ai pas mis sur le tech-tech, j'suis là avec mon tech-pack. Dans le froid, ça mic-mac, j'bibi pas de tic-tac. 6 du mat, toc-toc, j'suis zépo sur le clic-clac. T'es là, tu me fais perdre mon temps sur le terrain, les petits m'tac. J'te fais pas ton temps et toi tu rentres à pas d'heure. Tu sais que ça me rend folle, tu me connais par cœur. J'ai ton téléphone, vas-y donne tes codes. On verra si toutes ces meufs ne sont que des potes. Tu me prends pour quel genre de gadjo? Tu crois que je mens, que je fais le beau? Mes potes me disent c'est mort. De bang, c'est mort. Tu m'as pris pour quel genre de gadji? Tu crois que je suis bête, que je suis naïve? Mes potes me disent c'est mort. Imen, imen, c'est mort. C'est mort. C'est mort. T'es laissé 5 appels en absence, mais t'étais où? Tu disparais donc tu prends des vacances. J'ai vu des snaps, tu fais le beau avec tes nouvelles sapes et tu me zappes. J'ai pas fini, hey, besoin de vider, hey, mon sac. Où j'étais? J'étais dans le bunk, je faisais pas la bringue. Où j'étais avec ton œil de lingue? J'ai pas changé de fringue, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce clash? Pour rien tu te fâches, moi je trace. Tu crois que je chasse comme un chien de la casse? Non, non, non, aujourd'hui tu vas pas découcher. Non, non, non, non, aujourd'hui tu vas m'écouter. C'est comment? Tu transpires tellement, tu vas te noyer. C'est comment? T'es plus dehors que dans ton foyer. Oui, oui, oui, tu m'appelles et je veux plus décrocher. Oui, oui, oui, oui, tu m'harcèles et je veux plus t'écouter. C'est comment? Je veux être patron, je veux plus être employé. C'est comment? Vivons d'amour, d'eau fraîche, ça payera le loyer. Tu me prends pour quel genre de gadjo? Tu crois que je mens, que je fais le beau? Mes potes me disent c'est mort. De bang, c'est mort. Tu m'as pris pour quel genre de gadji? Tu crois que tu es bête, que je suis naïve? Mes potes me disent c'est mort. Imen, imen, c'est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Cette fois-ci, ça ne passera pas. D'habitude, je ne parle pas. Je crois que t'abuses, c'est pas comme ça. Si tu veux, ne me pardonne pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. D'habitude, je ne parle pas. Je crois que t'abuses, c'est pas comme ça. Cette fois-ci, je te pardonne pas. Tu me prends pour quel genre de gadjo? Tu crois que je mens, que je fais le beau? Mes potes me disent c'est mort. De bang, c'est mort. Tu m'as pris pour quel genre de gadji? Tu crois que je suis bête, que je suis naïve? Mes potes me disent c'est mort. Imen, imen.